Je ne ferai pas la pute s'il faut briser la gâchette. Ils font les boyous après ils sont pleins de hashtag. Mes potos sont partis sans me dire à la prochaine. J'ai plus d'amis, je suis seul dans la Porsche et la pochette. C'est pas ce qu'il y a dans mon cœur. Je revois les cris et les pleurs de la maman quand elle a retrouvé son mari sans cœur. Je revois les cris et les pleurs. J'aimais mes potes plus que mes propres frères. Et je le regrette fort. J'ai rempli leur compte en banque et même leur passeport. J'ai la haine quand je vois ma daronne dans les transports. J'ai fait le score, du coup je lui ai pris le dernier au disport. Cash, quand y'a la guerre y'a tout le monde qui se cache. RG en col pour les mandats avec pistache. Nous, on fait des sous mais on se vante pas, on se ment pas. Même quand y'a rien nous on se vend pas. Regarde autour de toi même ton meilleur ami. Il veut que tu brasses, que tu sois bien mais pas meilleur que lui. Hier tu me faisais la bise, maintenant tu me serres la main. Je m'en bats les couilles, à pas gratter, tu me sers à rien. Je porte mes couilles, tes arrivants jusqu'à la fin de ma peine. Si la juge a été clémente, gros, faut pas faire appel. Je suis un zerouédier, frère, moi je veux pas faire de la peine. RBL, j'ai mon quartier, mais je veux me faire la peine. Je ne ferai pas la pute s'il faut presser la gâchette. Ils font les voyous, après ils sont pleins de hashtag. Mes potos sont partis sans me dire à la prochaine. J'ai plus d'amis, je suis seul dans la Porsche et la pochette. C'est pas ce qu'il y a dans mon cœur. Je revois les cris et les pleurs de la maman quand elle a retrouvé son mari sans cœur. Je revois les cris et les pleurs. Mon père est mort malgré la chimio. Pour ça que j'ai pris la vie par le chignon. Le soir je prie le Seigneur, je respire encore mais je suis mort. On me déteste fort pour des raisons que j'ignore. Je me répète, RG en col y'avait que Junior. J'ai rien à prouver, vous trouvez que j'ai changé. J'étais seul quand j'ai plongé, je veux être seul quand je vais manger. Logique, on a vendu et revendu le shit. Augmenter le chiffre d'affaires, le patron trouvait ça chic. Je parle pas, j'analyse, la hagra s'banalise. Paralyse, si tu manques de respect et puis je paranise. Nerveux, je me canalise, joue un peu cannabis. Ouais la mise, je connais des Arbia qui s'appellent Anaïs. J'ai grandi comme ça, c'est la mentalité coffre ça. Si je veux parler business, parle avec mon drapeau coffre. Je ne ferai pas la pute s'il faut presser la gâchette. Ils font les boyous, après ils sont pleins de hashtag. Mes potos sont partis sans me dire à la prochaine. J'ai plus d'amis, je suis seul dans la Porsche et la pochette. C'est pas ce qu'il y a dans mon cœur. Je revois les cris et les pleurs de la maman quand elle a retrouvé son mari sans cœur. Je revois les cris et les pleurs. Je ne ferai pas la pute s'il faut presser la gâchette. Ils font les boyous, après ils sont pleins de hashtag. Mes potos sont partis sans me dire à la prochaine. J'ai plus d'amis, je suis seul dans la Porsche et la pochette.